y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et bienvenue au grain de sable de ce beau samedi ensoleillé. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de paradis fiscaux et souveraineté criminelle. En fait, je vais m'inspirer beaucoup d'une lecture que j'ai faite il y a quelque temps aux éditions Éco-Société, La Fabrique, édition. Alain Deneau, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle. Donc, c'est un ouvrage qui nous rappelle des palmiers, des îles, de distingués hommes d'affaires cravatés, des transactions mystérieuses, un monde du secret, voilà l'esthétique de l'offshore. Cette fiction superficielle du paradis fiscal ne révèle cependant rien du blanchiment de l'argent sale, de l'économie du crime et de la drogue, des armes convoyées par des navires de complaisance. C'est oublier ce que l'on nomme « offshore ». Rassemble des pôles de décision occultes avec des vraies assises politiques, un centre de pouvoir où se concentre la moitié du stock mondial d'argent et où les aires de légalité et d'illégalité se confondent. Il est dès lors impossible de limiter l'offshore à une banale évasion fiscale ou à des économies parallèles, présentées le plus souvent comme marginales et anormales. Elles jouent en fait avec nos économies. Alain Deneau démontre que ces immenses fuites financières ont des impacts désastreux sur nos États démocratiques, les dépossédant de leurs ressources financières et leur souveraineté politique. Hein. C'est pas juste dans le cadre de ces ententes de libre-échange dont on parle beaucoup et dont le Canada est maintenant signataire. Il reste quand même à l'adopter dans un parlement qui aura été consulté, même il y aura des consultations publiques sur cette entente de libre-échange transpacifique. Mais dans ces ententes-là, souvent se cachent des façons de faciliter des transactions financières qui ont un impact direct sur notre vie. Parce que, imaginez-vous que si nos taxes augmentent, si on attend le prochain budget et les prochaines augmentations de taxes là, pour compenser les déficits et les promesses électorales, eh bien, on est souvent dans une position où on est en attente de nos gouvernements d'aller chercher l'argent où elle est. Et souvent, ces grandes entreprises, ces multimillionnaires cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Donc, ils font non seulement de l'évitement fiscal, ce qui est un peu normal de vouloir payer moins possible d'impôts, mais lorsqu'on fait de l'évasion, c'est que là, on cache des choses, on cache nos revenus dans le but de ne pas payer d'impôts. Et c'est quand on manque de revenus fiscaux que l'on doit taxer directement ou indirectement les citoyens, les pauvres citoyens comme nous, qui aimeraient bien avoir un plus gros chèque de paye, en tout cas moins amaigri par les déductions à la source que vous connaissez si bien comme vous et moi. On aime peut-être la possibilité d'avoir un certain équilibre fiscal, un certain partage du bien commun et des dépenses communes. Donc, moi, je voudrais faire vraiment cet ouvrage d'Alain Deneau. Il y en a d'autres. Il y a des reportages intéressants, lesquels je vous ferai découvrir, puisque vous savez, le fait qu'on puisse diffuser certains reportages de reporter.net, et je vous invite à aller sur ce site d'ores et déjà, qui a été fondé par Hervé Kempf, qui est un ancien chroniqueur environnemental du journal Le Monde, qui, lorsqu'il a quitté ou s'est fait quitter son emploi, eh bien, il a fondé un site Internet, un site web, lequel regroupe beaucoup de journalistes spécialisés en environnement. Et effectivement, on peut toujours faire une contribution à ce site pour qu'il puisse rester en vie le plus longtemps possible. Mais sur reporter.net, lorsqu'on fait des recherches et qu'on trouve des extraits de reportage, on peut vous en faire part, comme je vais le faire au cours de cette émission, et ainsi que certains extraits de la section qu'on appelle « Une minute, une question ». Donc, on pose une question, entre autres sur les paradis fiscaux, à un leader porte-parole d'Attaque France, et il nous répond. Donc, je vous ferai entendre ceci. Je vous lirai quelques extraits de ce livre d'Alain Deneau, « Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle ». Eh bien, c'est la Saint-Valentin. On va mettre un petit peu de musique de circonstance. c'est vraiment une histoire qui est très liée à la déréglementation financière et qui a commencé dans les années, à la fin des années 60, dans les années 70. La City de Londres, qui est vraiment à l'origine de l'expansion des paradis fiscaux, a créé de toutes pièces une série de places financières, les îles Barbade, les îles Caïmans, Trinidad et Tobago, les îles Vierges, Jersey, Guernesey, pour pouvoir abriter des fonds qui venaient notamment à partir des années 70 des pays pétroliers, après le choc pétrolier où il y avait beaucoup d'argent qui circulait sur, les marchés financiers internationaux et des riches détenteurs de capitaux qui recherchaient des places à l'abri de la fiscalité de leur État et de la fiscalité internationale. Et donc c'est la City dans les années 70 qui a développé massivement toute une série d'implantations et de succursales dans des places dénuées de toute fiscalité et opaques du point de vue réglementaire. Thomas Coutreau pour Reporter le 8 février 2016. Alors, Thomas Coutreau est un de ces porte-parole d'Attaque France que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais à Paris lors de la conférence des partis, la 21e conférence des partis qui avait lieu à Paris là, du 30 novembre au 12 décembre. Alors, c'est là, d'ailleurs, à Paris, que, et en parlant avec des personnes et des porte-parole comme Thomas Coutreau, que j'ai réalisé que, dans le fond, non seulement ces grandes conventions cadres des Nations Unies où on réunissait quand même 195 chefs d'État pour une photo, mais pas beaucoup plus, puisqu'on voit très bien que cette semaine, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, nos voisins du Sud, leur équivalent de Cour suprême à 5 juges contre 4, ont voté contre des mesures qui avaient été choisies par le président Barack Obama pour pouvoir justement répondre aux objectifs nationaux des États-Unis. Et comme on sait que les négociations, entre autres, pour en arriver à une entente à adopter l'accord universel de Paris le 12 décembre, eh bien, ça a été retardé de 6 heures au moins à cause des avocats républicains qui conseillaient le Congrès américain, qui est en majorité républicain. Alors, peu importe si les démocrates, dont le président élu Barack Obama, a des objectifs pour sauver la planète, si on peut dire, puisque la moitié des émanations de gaz à effet de serre à travers le monde proviennent des États-Unis et de leur et de leurs proches, si on peut dire. Et donc, c'est un bel exemple de l'échec. Je pense que c'est une coïncidence là que le président de la COP21, de la CDP21, le ministre des Affaires étrangères de la République française, Laurent Fabius, qui présidait ces grandes discussions et négociations à Paris, bien, qui a démissionné. Je pense pas qu'il y ait un lien direct, là. Il est rendu à une sorte de promotion comme président du Conseil constitutionnel de France, qui est une sorte de promotion, je pense bien, en importance, en tout cas. Si il a quitté, eh bien, c'est une façon de voir aussi que ça n'a pas donné grand-chose, cette grande convention cadre des Nations Unies, et se faire au Maroc l'an prochain, donc la COP22, la CDP22, conférence des partis 22e sur la lutte contre les changements climatiques, eh bien, fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de changements à prévoir. Ce qui a vraiment de l'impact sur l'argent que les gouvernements ont pour respecter ces objectifs-là, c'est les paradis fiscaux. L'évasion fiscale fait en sorte que des milliards se retrouvent à l'étranger, sur des îles Caïmans ou au Luxembourg ou de moins en moins en Suisse, puisqu'il y a eu une certaine ouverture du secret bancaire là-bas. Alors, il y a des milliards qui sont cachés là, qui pourraient servir à faire ce que le président des États-Unis, Barack Obama, voulait faire, mais qu'il ne pourra pas faire. Finalement, 27 États aux États-Unis sont dirigés par des gouvernements républicains qui avait demandé à la Cour suprême de se positionner sur les grands moyens que s'était donné le président de la plus grande puissance mondiale pour atteindre certains objectifs de cette convention cadre sur les changements climatiques. Donc, c'est une grande défaite pour la planète. Ce qui nous reste comme combat, c'est peut-être celui qu'attaque Québec, attaque France et attaque Australie, et attaque autres, et qui veulent travailler à lutter soit pour qu'il y ait une taxe sur les transactions financières ou qu'il y ait un certain équilibre fiscal qu'on ait cherché. Je salue les 196 chaises et plus qui ont été remises au Palais de justice de Paris, au même moment où un ministre, écoutez bien, si vous n'avez pas été dans l'actualité de ce genre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez-vous qu'un de nos premiers ministres, que ce soit Justin Trudeau ou Philippe Couillard, nomme un ministre responsable des budgets, mais avec comme tâche principale de lutter contre l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, et que ce ministre-là, pour ne pas le nommer, en l'occurrence, François Mitterrand avait confié avec le premier ministre du temps, Jean-Marc Ayrault, à M. Cahuzac, un médecin chirurgien retraité de la médecine, mais qui était un politicien montant, s'est fait offrir un poste de ministre du budget dans le but de lutter contre l'évasion fiscale, et lui-même s'est fait accuser par un média alternatif, Mediapart, ceux qui aiment lire des médias alternatifs, là, un peu comme l'autre journal ici, ou les autres journaux que vous connaissez, eh bien, il y a Mediapart, qui est un site web très fréquenté. Je pourrais vous suggérer aussi Bastamag, qui est beaucoup en association avec Attaque France, Reporter.net, donc tous des médias. Si vous aimez CKRL et que vous lisez l'autre journal ou d'autres magazines ou journaux de cette acabit, eh bien, vous pourriez être intéressé. Bien, Mediapart a trouvé ce scandale de ce ministre de l'évitement fiscal, qui était lui-même un fraudeur fiscal. Et éventuellement, il a dénié au tout début. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a fait gagner un prix Nokia. Je vous fais comprendre le jeu de mots vous-même. Et ce prix-là lui a été évidemment remis en son absence. Il a donc, pendant plusieurs semaines, dans tous les grands médias, l'équivalent de Radio-Canada ici, là, France Inter, Radio France Internationale, il a nié qu'il faisait la fraude fiscale alors que Mediapart avait publié des preuves hors de tout doute qu'il y avait 600 000 euros dans un compte de clients qui, à l'époque où il était chirurgien, déposait dans cet argent-là qu'il faisait pour le cacher, pour pas payer de l'impôt dessus, le cacher dans un compte suisse. Sa conjointe, qui était aussi une dermatologue, une médecin, elle avait 2 millions dans un autre compte. Ils sont séparés aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il était vraiment les deux mains dedans. Alors, évidemment, il y avait une certaine expertise pour être ministre, mais il devait lutter contre des irrégularités dont il abusait lui-même. Donc, vous comprenez que lundi, lorsqu'il est passé en cours, eh bien, les gens d'Attaque France, les gens des Amis de la Terre et d'autres coalitions qui avaient fauché des chaises dans des banques qui, eux, font de l'évasion fiscale, de l'évitement fiscal, qui encouragent leurs clients. Et ici, on parle de la Banque nationale de Paris, BNP, on parle surtout de HSBC. Donc, beaucoup de des centaines de chaises ont été empruntées, dans des succursales à travers la France. Et ces chaises-là ont été remises sur le parquet, c'est le cas de dire, sur le pont qui mène au Palais de justice en France, où le ministre Cahuzac, que je vous parlais, devait passer en cours. Donc, sa passation a été un peu chahutée à l'entrée, mais à la sortie, il a réussi à trouver une porte de sortie sans trop se faire remarquer. Et ça a duré quelques minutes et tout a été retardé, mais essentiellement, il est dans de beaux draps. Évidemment, il n'est plus ministre. Dès que ça a été confirmé qu'il mentait, il a perdu son poste de ministre. Et depuis ce temps-là, j'imagine qu'il est consultant en fraude fiscale. Oh. Merci au Cowboy Fringant d'être venu à ma rescousse. Que du vent. Ah oui, il y avait un courant de vent qui passait dans le disque de l'ensemble Nouvelle-France. Femmes, corps et âme, les musiques de l'anonymat du 12e siècle à nos jours. Vous savez, l'histoire a souvent oublié les femmes en musique. Elle les a trop souvent occultées. Cette compilation créée par Louise Courville de l'ensemble Nouvelle-France est une modeste tentative de reconnaissance d'œuvres de compositeurs qui ont fait de l'anima l'inspiration ou le sujet de leur création. Même si des hommes se sont permis de signer les œuvres de certaines, même si les partitions étaient égarées, même si les dictionnaires se font parcimonieux à l'égard, heureusement leur musique a survécu et aujourd'hui nous touche encore. Alors l'ensemble Nouvelle-France, on les remercie et le Musée de la Civilisation les rappelle à notre mémoire. Donc vous avez entendu tout à l'heure Hildegard von Bingen, Avenue Generosa, chantée par Louise Courville, Marie Guyard de l'Incarnation, Ursuline et Augustine de Nouvelle-France, que vous connaissez tous, Verbum et Magnificat, un extrait de Magnificat, toujours chanté par Louise Courville. Et d'ailleurs dans cet album, on y retrouve des œuvres d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, de Anna Bon, Fanny Mendelssohn, Lily Boulanger, Germaine Taillefer, Jeanne Landry et Louise Courville. Donc, ça existe, de la bonne musique écrite de toutes les époques, depuis le 12e siècle, par des femmes. Revenons-en à notre sujet. Justice fiscale, paradis fiscaux, taxes sur les transactions financières. Vous savez, si vous consultez le site québec.attaque.org, en première page, vous allez tomber sur un communiqué qui va vous rappeler que les paradis fiscaux sont l'un des aspects les plus inacceptables de notre système financier. Ils permettent des fuites fiscales considérables. Ces dernières privent l'État de ressources essentielles qui devraient être attribuées aux services publics et aux programmes sociaux. Pour ça, je vous dis ça en vous rappelant qu'oubliez pas de faire votre rapport d'impôt, là. Déjà, vous pouvez aller au bureau de poste, aller dans des lieux publics où on distribue les rapports d'impôts, les déclarations fiscales. N'oubliez pas, chers citoyens, chers co-citoyens, de faire votre rapport d'impôt avant de participer au radioton de CKRL qui s'en vient, là. Hein? D'ailleurs, même si vous faites, avez un retour d'impôt, vous pourriez prévoir un don à CKRL en entrant membre. Déjà, c'est une bonne part. Et tant qu'à rentrer membre, ben, on arrondit, on fait un chèque de 100 $, 50 $, incluant notre membership, ça laisse la place à certains dons. Et n'oubliez pas qu'il y aura toujours le même principe, là. Commencez à économiser tout de suite pour pouvoir acheter des forfaits qu'on vous vendra et qui sont toujours à très bon prix, que ce soit des bouteilles de vin ou des week-ends, des livres, des œuvres d'art. Vraiment, commencez déjà, tout en faisant votre rapport d'impôt, eh bien, à préparer vos dons pour CKRL. Hein. Si vous aviez le choix entre donner 100 $ au gouvernement ou 100 $ à CKRL, je pense que le choix est facile. Par le secret bancaire, les paradis fiscaux protègent l'argent du crime et empêchent les enquêtes qui élucideraient un grand nombre de fraudes fiscales. Paradis juridiques également, ils permettent à des individus privilégiés et à des entreprises de se libérer des contraintes de l'État de droit. Bien qu'ils soient périodiquement dénoncés, les paradis fiscaux continuent à prospérer avec la complicité de notre propre gouvernement qui maintient un accord avec la Barbade, par exemple, favorisant à haute échelle l'évitement fiscal et qui ne manifeste aucune intention de s'attaquer aux problèmes causés par ces juridictions de complaisance. En 2009, les Canadiens auraient d'ailleurs investi 146 milliards, on parle pas de millions, là, 146 000 millions dans les paradis fiscaux. C'est de l'argent, ça. Attaque Québec juge tout cela inacceptable et place donc au cœur de ses préoccupations la question de la justice fiscale et des paradis fiscaux. Son action consiste à la fois à organiser des activités d'information, donc suivez sur Internet ou abonnez-vous à leur page Facebook, Attaque Québec, des activités donc de sensibilisation en plus seront faites et de mobilisation. Je ne sais pas si Attaque Québec et les Amis de la Terre iront jusqu'à faucher des chaises et les remettre au palais de justice de leur ville pour si un ministre se fait accuser ou un chef de parti. On nomme pas de nom, évidemment. Mais je trouve ça intéressant d'en parler quand même ces temps-ci puisque c'est une façon pour nous de payer moins d'impôts. Et éventuellement, Dominique Boisvert, qui est un des fondateurs du regroupement québécois des groupes de simplicité volontaire, Dominique Boisvert qui vit maintenant à Scottstown, si vous voyez une église habitée dans ce coin-là, en passant, cognez à sa porte parce que Dominique a des trucs. Comment remplir son rapport d'impôt et retenir une partie de l'impôt qui sert à payer les militaires, la guerre? Donc, il y a une formule mathématique qu'on peut appliquer en disant, ben, si on a à payer 100 $ d'impôt, par exemple, suite à notre déclaration d'impôt, eh bien, il y a peut-être, en tout cas, je ne dis pas tout de suite, parce que nous aurons Dominique Boisvert éventuellement, quand ce sera plus le temps d'être proche du rapport d'impôt, on invitera M. Boisvert à nous expliquer quelle est cette façon de faire une sorte de désobéissance civile, donc de la résistance passive, un peu comme Henri-David Thoreau faisait il y a plus de 150 ans. Et je sais pas quand il est venu à Québec en 1854, si il faisait de la désobéissance civile et encourageait les gens à ne pas payer leurs impôts, mais toujours est-il que lui le faisait, ne payait pas ses impôts, sauf la partie qui servait à l'éducation et à la construction des routes, parce qu'il trouvait ça important, lui qui était un grand marcheur, d'avoir des routes bien balisées pour pouvoir marcher dans les sentiers bien organisés, municipalisés. Donc, mais pour la part qui servait à la guerre contre le Mexique à l'époque, qui est la Californie d'aujourd'hui, eh bien, il était contre ça. Il voulait retenir une partie de ses impôts qui servait à la guerre, qui servait à des choses qui n'étaient pas dans ses valeurs à lui. Et évidemment, malheureusement, il s'est retrouvé en prison un certain temps, une nuit. Il voulait pas payer l'amende qu'on lui imposait. Et c'est quelqu'un de sa famille qui l'a sorti de prison en payant. Il a été bien choqué de ça, mais c'est ce qui a fait qu'il est devenu connu et qui a écrit la désobéissance civile ou la résistance passive, comme lui-même aimait bien le dire. Donc, éventuellement, on aura donc Monsieur Dominique Boisvert du groupe des simplicitaires qui nous expliquera quelle est la partie de nos impôts qu'on peut retenir en disant si vous êtes pour la paix, contre la guerre, eh bien, la partie qui sert à financer l'armée pourra être retenue, la retenir vous-même et la justifier avec les papiers qu'il faut. Alors, semble-t-il que certains le font et non, sont pas encore allés en prison. Mais donc, je reviens à TAC Québec qui juge tout cela inacceptable. Et vous savez qu'à TAC Québec, en fait, l'abréviation ATAC, hein, parce qu'on l'écrit ATTAC, c'est l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Donc, le A pour association, 2DT pour transactions et taxation financière, et le AC pour action citoyenne. Donc, effectivement, je vous parlerai un peu plus après la pause des actions citoyennes. CKRL 89.1. How much you want to see, how much you A boy, but she was there for me. I was a child and she was a boy. Yael Naim et David Donatien, She Was a Boy. Attaque Québec a co-signé une lettre ouverte du collectif Échec aux paradis fiscaux destinée au premier ministre Justin Trudeau, au ministre des Finances William Francis Morneau et aux députés fédéraux. Elle a paru dans Le Droit, le journal Le Droit, l'équivalent du Soleil, là, le 13 janvier dernier, ainsi que dans La Presse et Le Devoir. Comment ça, le Soleil n'a pas voulu nous faire connaître ceci? Cette lettre s'adressant à Justin Trudeau, mais elle aurait pu aussi s'adresser au ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, qui, dans ses mandats, a de faire de la lutte aux paradis fiscaux. Donc, effectivement, il faut saluer cette initiative et on l'a entendu sur les ondes de la télévision publique le réitérer et c'est le genre de discussion qui pourrait se rendre public prochainement et on surveille bien et on encourage M. Stéphane Dion à joindre l'utile à l'agréable pour nous, payeurs de taxes, et de, effectivement, que ces bottines suivent ses babines, ou walk the talk, comme on dit à Ottawa. Cette lettre-là, je vous la lis. Le gouvernement libéral est sur le point de tenir une de ses promesses électorales, celle de faire des déficits afin de répondre à de pressants besoins d'investissement dans les infrastructures. Le collectif Échec aux paradis fiscaux salue ce choix, mais tient à rappeler qu'il y a des revenus, beaucoup de revenus, à aller chercher auprès d'entreprises et de riches contribuables qui pratiquent l'évitement fiscal légalisé vers des paradis fiscaux avec qui le Canada a signé des conventions. Et ça, je peux vous dire que quand on voyage à l'étranger et qu'on entend parler des groupes qui luttent contre les minières canadiennes, eh bien, souvent, ces minières canadiennes ne sont même pas canadiennes. N'ont que le siège social au Canada. Elles appartiennent à des groupes étrangers parce que le Canada, vu par des Américains, vu par des Australiens, vu par des Africains du Sud, vu par des Luxembourgeois, vu par des grandes multinationales, transnationales, elle est vue comme un paradis fiscal pour les minières. Puis il y a plein d'avantages fiscaux qu'on donne qu'aux minières extractivistes, qui prennent nos ressources, en fait, pour en faire de l'argent et de l'évitement fiscal, finalement. Donc, si les minières qu'on dit canadiennes, mais qui appartiennent à des étrangers, payaient leur dû en impôts, déjà, on pourrait certainement penser à un budget qui nous annoncerait des réductions d'impôts. Mais, donc, ça, c'est par des conventions, par des ententes de libre-échange qu'on en arrive à protéger le capital d'entreprises privées avec l'État de droit qui est supposé être bâti pour protéger ses concitoyens de la Chambre des communes, les Commons. Pour l'année 2011, Statistique Canada relève que 24% des investissements directs canadiens à l'étranger avaient été effectués dans les 12 plus grands paradis fiscaux. En octobre 2015, dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le projet BEPS, Base Erosion on Profit Shifting, l'Organisation de coopération et de développement économique, communément appelée l'OCDE, avançait que les pays membres étaient chaque année privés de 240 milliards de dollars américains de recettes fiscales. Il s'agit là de revenus considérables qui permettraient au gouvernement canadien soit de limiter le déficit anticipé, ça on peut comprendre, pendant la campagne, on parlait de 10 milliards, alors que là, c'est probablement plus si on l'étale sur 10 ans avec le programme d'infrastructure qui est souhaité pour créer de l'emploi. C'est quand même une initiative qu'on doit saluer. Mais que tous ces 240 milliards de dollars américains de recettes fiscales, eh bien ça, il s'agit là de revenus considérables qui permettraient au gouvernement canadien de limiter en fait soit son déficit ou soit d'investir davantage pour faire face aux enjeux d'un développement économique juste et on pourrait même dire de justice climatique et durable au service des besoins de la population canadienne, comme la lutte urgente contre les changements climatiques. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, a déjà signifié la volonté du gouvernement fédéral de collaborer avec le G20. Je ne sais pas quand est le prochain G20, mais ça peut être intéressant de surveiller notre agenda, et l'OCDE pour régler le problème de l'érosion de la base fiscale des États de droit. Quel beau langage! Cette volonté doit se traduire par des actions. D'ores et déjà, le Canada peut agir seul pour colmater certaines brèches dans ses propres lois fiscales. Nous nous renvoyons ici aux recommandations de notre rapport, là je dis Attaque Québec, qui est le groupe qui réunit en fait le collectif Échec aux paradis fiscaux. Eh bien, il existe d'ores et déjà des solutions à notre portée. Publiées en 2014, par ailleurs, on y voyait vraiment une façon pour le Canada d'agir pour ses propres lois fiscales, finalement. Mais le 23 septembre 2015, donc c'est pas si loin que ça, dans le cadre de la campagne électorale fédérale, le collectif Échec aux paradis fiscaux a tenu, en collaboration avec le quotidien Le Devoir et la revue Liberté, un débat sur les paradis fiscaux entre des candidats des 5 principaux partis politiques. L'une des candidates de l'équipe, Marois Rizki, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke, spécialisée en droit et en fiscalité, y avançait des solutions pour dompter la bête. Les propositions du collectif et celles de Mme Rizki pourraient servir de base au gouvernement pour élaborer une stratégie crédible de lutte contre l'évitement fiscal. Le gouvernement libéral, qui est maintenant élu, tenant à redresser la réputation du Canada, devra avoir l'audace de donner un solide coup de barre dans le contenu des nombreuses conventions fiscales signées avec des paradis fiscaux. Plus que moins, en fait. Plus que la réputation du Canada, il en va de la confiance des contribuables dans la légitimité du régime d'imposition canadien qui se répercute sur les revenus des provinces, non sans impact sur les services que la population s'attend à recevoir. Donc le collectif Échec aux paradis fiscaux continuera de suivre de près l'avancement des travaux du gouvernement fédéral dans ce dossier. Nous invitons donc le gouvernement à donner suite aux recommandations que nous avons élaborées. Bien entendu, nous sommes disposés à rencontrer le ministre des Finances. Quand je dis nous, c'est Attaque Québec et tous les groupes qui font partie de ce collectif, dont l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la Centrale des syndicats démocratiques, CSD, la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, la FEC, Fédération étudiante collégiale du Québec, la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, donc des infirmières, sans entre autres, Syndicat de la fonction publique et parapublique, le SFPQ, et le secrétariat intersyndical, le CISP, ainsi que l'Union des consommateurs et le Réseau pour la justice sociale, dont le représentant est Alain Deneau. Maintenant, une chronique que je veux vous faire entendre depuis plusieurs semaines, c'est notre collaborateur, chroniqueur Jacques Bégelina, auteur de nombreux ouvrages sur les ententes de libre-échange. Eh bien, il y a un livre qui ne traitait pas vraiment de libre-échange, mais ça revient souvent à ça. Le virage à droite des élites politiques québécoises, un virage effectué avec le premier de traité de néo-libre-échange, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis en 1985, signé en 1988. Il y a même eu des élections fédérales qui ont été gagnées sur ce sujet. On se souvient très bien que c'était un premier grand pas vers ces fameuses ententes de libre-échange. Élections référendaires sur cette question, oui, bien sûr. Le virage à 180 du Parti québécois, là, dans ce livre-là, ceux qui n'aiment pas Bernard Landry vont être servis à soi. Alors que moi, c'est mon idole. Bon, ben, à l'époque, ça a bien changé. Oui. Alors, lui, Bernard Landry, il n'a pas changé d'idée. Et Parizeau non plus, avant de décéder, il n'y a pas longtemps, donc il n'avait pas changé d'idée non plus. Le problème, c'est que quand cette idée-là d'un nouveau libre-échange... C'est quoi le libre-échange? De fait, je vais le définir rapidement. C'est un système fondé sur le néolibéralisme. C'est pour ça que je l'ai appelé le néolibre-échange. C'est un libre-échange totalement nouveau par rapport à celui qui existait avant. Et c'est quoi le néolibéralisme? C'est quoi Le principe fondamental du néolibéralisme, c'est la primauté du marché sur le politique. Voilà. Alors, comment s'attacher les mains pour être sûr que les politiciens puissent pas bouger avec leurs mains et que les transnationales puissent les contrôler? Exactement. Mais c'était pas compliqué comme ça. On voulait créer de l'emploi, encourager le commerce avec les États-Unis. 3/4 de nos produits s'en allaient aux États-Unis. Il fallait quand même s'assurer des libre-échanges. Mais éventuellement, moi, de mon côté, j'ai compris que le taux de change entre le dollar américain et canadien était beaucoup plus important pour sur le coût des produits, par exemple, sur l'exportation des produits, que n'importe quelle barrière tarifaire ou non tarifaire qu'on aurait pu enlever ou mettre. Exactement. L'ouverture des frontières existait déjà avant. Donc, sur le commerce des marchandises, la question des douanes entre les États-Unis et le Canada était pratiquement réglée. Il restait seulement qu'un 10% de douane là, pour contrôler certains produits. Donc, on trouvait que c'était trop. Alors, les États-Unis, au début des années 80, déjà, c'était commencé en sourdine, mais en 1985, Ronald Reagan s'est pointé à Québec avec son ami Brian Mulroney. Le sommet irlandais. Deux bons Irlandais. Et ils ont annoncé le lancement des accords de libre-échange, d'un nouvel accord de libre-échange. Alors, ici au Canada... Chantant « When Irish smiles... When Irish eyes are smiling... » Exactement. Dans une atmosphère festive, donc les deux Irlandais... Au Grand Théâtre, ici à Québec. Annoncer ça comme une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté, évidemment, parce qu'au Canada, on avait toujours été réticents à ouvrir grandes les frontières avec les États-Unis. Surtout sous l'ère Pierre-Elliott Trudeau. Depuis toujours. Depuis, Wilfrid Laurier avait perdu ses élections à cause de ça. Il avait voulu, lui, instaurer il appelait ça la réciprocité. Le traité de réciprocité. Oui, exactement. Donc, traditionnellement, au Québec, au Canada, on était réticent à ouvrir grandes frontières avec les États-Unis. Canada a été fondé en disant non. Exactement. Aux échanges entre les États-Unis et le Canada, l'Empire britannique de l'Amérique du Nord. C'est ça. Le Canada a été fondé d'est en ouest pour dire non au libre-échange nord-sud. C'est-à-dire, certains diront pour, ça. Pour pouvoir... le Canada était plutôt branché sur sa mère patrie, l'Angleterre. Donc... Quand on économisait, on économisait longtemps. Exactement. Alors, donc, il annonce un nouveau le lancement des accords de libre-échange. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce libre-échange-là n'était pas comme celui d'avant, qui portait seulement sur les marchandises. Ce nouveau libre-échange portait surtout sur les investissements. Donc, comme actuellement, dans le partenariat transpacifique, le fameux accord transocéanique, donc, on fait croire au monde que c'est un accord sur le commerce. Ce qui est absolument faux. C'est un accord principalement sur l'investissement, la libre circulation des capitaux, l'entrée des capitaux étrangers à travers toutes les frontières. Quoi faire quand j'ai un million de lustres? Quoi faire? Où aller là, dans un des 12 pays transpacifiques? Exactement. Alors donc, toute la classe politique canadienne et québécoise était contre ça, excepté un parti qui était le parti de Jacques Parizeau et de Bernard Landry, qui était pour le libre-échange. Il n'avait jamais vu le texte, là. Ils se sont prononcés sur un libre-échange théorique, le libre-échange d'avant. Donc, grâce au Parti québécois, Brian Mulroney. Parizeau, quand il a pris la direction du Parti québécois en 1988, il dit dans plusieurs de ses écrits, « J'ai fait effectuer un virage à 180 degrés au Parti. » Parce que le parti ne voulait pas de fait, mais lui, Parizeau, un grand économiste qui venait de... Professeur de HEC, grande famille noble de la bourgeoisie, qui a contrôlé le commerce depuis le temps des temps. Exactement, il comprenait ça, lui. Alors, Bernard Landry, qui avait été en Europe, il était enchanté par l'ouverture des frontières, etc. Ah oui, il avait vu l'Europe en étudiant à Paris, ça n'a pas toujours des bons côtés. Il a été sensibilisé à l'Union européenne. Oui, et dans ce temps-là, dans les années 60, c'était pas la Commission européenne d'aujourd'hui. Dans ce temps-là, le libre-échange en Europe, c'est-à-dire... Il y avait encore des frontières. Non, il y avait une ouverture des frontières, mais il y avait une idée de solidarité. Alors, dans les années 80, c'est dans les années 80 que les grands tournants. La Commission européenne est devenue néolibérale. Plus libérale, plus néolibérale même que les États-Unis. Plus catholique que le pape. Alors, donc, les ténors du Parti québécois ont appuyé Brian Mulroney dans la proposition d'un accord Canada-États-Unis. Et donc, en 1988, il y a eu une élection référendaire au Canada qui portait sur le libre-échange avec les États-Unis. Sans aller au fond des choses, évidemment, les gens ne savaient pas. Donc, appuyé par le Parti québécois, Brian Mulroney a pu ratifier, c'est-à-dire faire approuver par le Parlement l'accord Canada-États-Unis qu'il venait de signer. Et donc, l'accord est rentré en vigueur en 1989. C'était le premier accord de néo-libre-échange qui instituait à long terme, à moyen long terme, à court terme aussi, la primauté du marché sur la politique. Et on en voit le résultat aujourd'hui. De Robert Bourassa dans les années 80 à Couillard aujourd'hui, c'est un processus constant. Vers la droite. Oui, de virage à droite et de démantèlement donc de l'État social, institué dans l'après-guerre, ce qu'on appelait l'État-providence. L'État-providence, vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais vous le dire. Ouais. Donc, c'est fait, c'est irréversible. On s'en va toujours vers la droite et vers la droite quand on voit justement le Parti libéral provincial actuel tente d'emprunter au programme du Parti de droite qui est la Coalition Avenir Québec, la CAQ, c'est ça. Pour garantir sa réélection. Donc, et même le Parti québécois exactement. A pris un grand virage à droite avec Pierre-Carl Péladeau. Exactement. On peut comprendre que la relation avec les syndicats progressistes de gauche n'est pas la même du temps de Parizeau, du temps de Landry, d'ailleurs, et de PKP aujourd'hui. Et ça a une influence sur le Bloc québécois. On peut le voir dans l'élection actuelle. Le Bloc québécois, supporté par Pierre-Carl Péladeau, a choisi beaucoup de candidats de droite. Ouais. Ce qu'on n'aurait pas pu voir dans les premières élections du Bloc québécois avec Lucien Bouchard, même, qui lui-même est un chantre de la droite. Mm-hmm. Et qui pourtant, Duceppe étant issu du milieu syndical lui-même, comme leader syndical, dans son hôpital où il passait le balai, aujourd'hui, il préfère des candidats de droite dans la région de Québec. Il se met dans Limoilou, c'est un homme d'affaires, ce qu'on n'aurait pas pu voir avant. Dans Louis Hébert, c'est une ancienne candidate de l'ADQ qui trouvait que la CAQ était trop à gauche, qui a préféré adhérer au Parti québécois de Pierre-Carl Péladeau. Donc, on voit vraiment un virage à droite dans ces élections-ci. C'est-à-dire que le libre-échange, année après année, a fini par englober, par former une nouvelle classe politique qui est capturée par cette idéologie néolibérale. Ils ne comprennent pas, pour le moment, ils croient que l'entreprise privée va répondre aux aspirations de la population, va répondre à la protection du bien public, la protection de l'environnement, des droits sociaux. Ils ne comprennent pas ça. Alors, donc, toute une... Quels sont les partis politiques qui n'ont pas pris ce virage trop à droite? Est-ce qu'on se retrouve juste avec Québec solidaire au provincial puis le Parti néo-démocrate au fédéral? Ben, pas le Parti néo-démocrate, le Parti néo-démocrate de Mulcair, justement, parce que qui était un petit peu à gauche un bout de temps. Il a même rayé le mot socialiste, ce qui était dans le programme du NPD auparavant, là, ça s'appelait la CCF. Alors, donc, il a même rayé ça, parce que lui, il va, là, middle of the road, pour aller chercher les votes des deux côtés. Alors, quand on veut aller chercher les votes des deux côtés, on accroche. On en perd de chaque bord. On en perd de chaque bord, parce qu'on fait des accidents des deux, on fait des éclopés des deux côtés. Alors, à gauche, est-ce que ça explique pour vous, justement, l'effondrement du Parti socialiste canadien? Exactement. Le NPD de Mulcair. Et c'est ça qui a perdu Mulcair dans ces élections-là. Parce qu'il n'a pas tenu à ses principes. Les partis politiques croient tous que si on va aller un petit peu à droite, c'est dans l'atmosphère d'ailleurs, depuis trois décennies là, que cette idéologie néolibérale de la primauté du privé sur le politique a fini par coloniser nos esprits. On finit par penser, par exemple, que le système de santé va être mieux servi par le privé, ce qui était tout à fait faux. Ça a déjà été prouvé. Est-ce que vous êtes en train d'annoncer aussi l'effondrement du Parti québécois qui quitte sa gauche, son centre-gauche, pour s'en aller vers la droite? Où va-t-il, le Parti québécois? Ça, c'est une autre question. Alors, ouais, pour en savoir plus, le virage à droite des élites politiques québécoises aux éditions Éco-Société de Jacques Bégelina, sociologue, essayiste et conférencier, qui est l'auteur aussi de « Et si le tiers-monde s'autofinançait » et de « La globalisation du monde » paru chez Éco-Société. Merci Jacques Bégelina de nous parler de ce virage à droite qui peut nous faire tourner en rond, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est ça. C'est très intéressant de comprendre ces choses qui arrivent. Donc, vous avez compris que c'était une entrevue qui a été faite pendant les élections fédérales et on s'en excuse si c'était trop politique, mais juste en terminant, 170 milliards, c'est l'investissement canadien dans 12 paradis fiscaux en 2013 selon Statistique Canada et selon Tax Justice Network. 80 milliards, c'est l'impôt annuel qui échapperait au gouvernement canadien en évasion fiscale de toutes sortes. N'oubliez pas, faites votre rapport d'impôt. Sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. De 1870 à 1920, ils vont couper les cheveux de la haute société québécoise. Donc tout le monde va venir ici pour se faire couper les cheveux. Et donc on peut dire que c'est l'institution noire qui a eu le plus de longévité ici à Québec. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Webster nous fait découvrir le Québec History X. Question de découvrir une histoire qui est méconnue. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts ou écoutez l'émission Entraîne ta fibre animée par François Bégin et Jessica Schooner les mardis 9h sur CKRL. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. Du 14 au 18 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 29e édition. Plus de 1000 participants sont attendus à Québec pour cet événement qui met à l'honneur la danse, la musique, le théâtre et la chanson.